Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Big Liberté numérique. Société de l'information. Azure sur 2. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur deux. Bidouillage. Pense à ça. Ni filtrage, ni censure. Nous voulons Actualité. De 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, veut le faire. Journal du soir. On démarre donc avec cette occupation d'un ancien magasin. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un squat. Et un espace culturel alternatif. On a déjà commencé. Véritable laboratoire d'expérimentation. D'informatique libre. Parfait. Constitué d'hackers venus d'horizons différents. Un ancien centre commercial en plein cœur de Lille. On a un bon informateur. En apparence inoccupé. Parfait. Plein centre de Lille. Parfait. À deux pas seulement de la Grand Place. C'est pas possible. Car ici, ces militants ont un vrai projet. Donc c'est une autre philosophie, une autre façon de travailler. C'est Random. Radio Campus Lille. 106,6 FM. Bonsoir à toutes et à tous. Ah si, on a le son. C'est Random 26 sur les ondes de Radio Campus Lille, Saucisse Pois Chiche FM, l'émission du groupe Dégénérés Sciences Lille, un dimanche sur deux, de 19h à 20h. Donc c'est l'émission du groupe Dégénérés Sciences Lille, donc un groupe de hackers, et une émission consacrée à la contre-culture hacking, au bidouillage, aux libertés numériques et à la société de l'information. Ce soir à la technique, nous aurons Célix. Bonjour. Et nous avons Loana. Bonsoir. Et DB pour organiser un petit peu l'émission. Donc c'est dans cette 26e émission, donc bon, pour rappel, hein, Random numéro 1 c'était le 25 octobre 2009, Random 26 le 24 octobre 2010, voilà ça fait un an, on n'est toujours pas viré de l'antenne. Et la police nous a toujours pas raidé et tout va bien. Dans cette émission il y aura donc des actualités. Dans l'actualité du logiciel libre, on parlera un petit peu de l'EuroBSD Con 2011 parce que, ben voilà, ce sera pour bientôt, enfin, c'est pour, pas tout de suite, mais on en parle déjà. On parlera un petit peu de l'actualité du milieu hacker, notamment d'un hack meeting espagnol qui a été un petit peu embêté par la police à Saragosse, on en parlera. Et puis d'un procès pour jailbreaking de Xbox 360. C'est paru chez Wired, on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Du côté de notre petite rubrique censure, filtrage internet et neutralité des réseaux, on va vous parler de l'ALOPSI un petit peu, hein, on va vous parler également de Nathalie Kosciusko-Morizet, donc secrétaire d'État à l'économie numérique, qui continue son festival sur le droit à l'oubli. Décidément, elle y tient vraiment cette connerie. Et puis on parlera un petit peu de Wikileaks qui a encore balancé les documents à charge contre l'armée US, mais cette fois-ci sur l'Irak. Ça a fait pas mal parler de tout ça dans les infos mainstream. On va donner un petit peu notre point de vue là-dessus. Dans notre petite rubrique, notre culture c'est la vôtre, votre culture c'est la nôtre plutôt, hein, les mots sont importants. On parlera encore une fois de la dopi, et puis on parlera de la grosse bourde de Thierry Lhermitte, c'est très rigolo ce qu'il nous a fait. Et enfin, donc on finira nos actualités par notre traditionnelle rubrique « N'ayez pas peur, faites-nous confiance » où ça parlera de photocopieurs qui font n'importe quoi et de Monsieur Van Est, donc notre député UMP du Nord, qui lui brise carrément le tabou de la collaboration entre l'UMP et le Front National. Comme ça, histoire de bien recadrer les choses, de qui on a affaire en termes de gouvernement, qui se cache pas de chasser les Roms et donc de casser la liberté de circulation des êtres humains, mais qui également casse la liberté de circulation des informations en même temps, et de voir un petit peu les liens qu'on peut faire là-dessus et de constater encore une fois que non, c'est pas Adopi, Lopsi, etc. Ce sont pas simplement des petits symptômes isolés qu'on peut traiter séparément les uns des autres, mais que c'est toute une politique globale et complète de casse d'un certain nombre de toutes les libertés individuelles fondamentales, et que il faut une réflexion globale pour pouvoir s'en prémunir. Dans notre dossier, on aura une interview exclusive de l'organisation du Plastic Hackerspace Festival 2010, qui aura lieu, je le rappelle, et nous le rappellerons encore, du vendredi 29 au dimanche 31 octobre, donc le week-end prochain, au Templab à Vitry-sur-Seine. On aura une interview donc de l'organisation. Et puis on finira par l'agenda, le tout entrecoupé de musique libre, comme on en a l'habitude depuis un an, donc de la musique libre. Librement téléchargeable, librement copiable, librement redistribuable, voire même modifiable selon les cas. On va commencer tout de suite par l'actualité du logiciel libre. On va commencer par l'actualité du logiciel libre. L'édition 2010, pour ce qui est de l'EuroBSDCon, EuroBSDCon, qu'est-ce que c'est ? C'est la grande réunion, la grande messe annuelle. Du milieu des logiciels libres, mais côté BSD, c'est-à-dire pas côté Linux, on va pas chipoter pour ce débat-là, mais du côté BSD, il y a ce qu'on appelle l'EuroBSDCon, il y en a une également aux États-Unis tous les ans, mais donc celle d'Europe, elle s'organise une fois tous les ans dans une ville différente. Cette année, c'était à Karlsruhe, ça s'est fini il y a quelques... c'était ce mois-ci, en fait, il me semble, en début du mois, et c'était donc à Karlsruhe, en Allemagne. Et c'est à peine terminé que l'appel à proposition pour l'EuroBSDCon 2011, qui a priori se passera en Hollande, alors on murmure Amsterdam, l'EuroBSDCon à Amsterdam. Tiens, ils choisissent pas n'importe quelle ville, les barbus, n'est-ce pas ? Pour se réunir, l'édition 2010 à peine finie, l'appel à proposition pour l'édition de l'année prochaine vient d'être lancé. C'est intéressant. Alors, au niveau de l'actualité du milieu hacker, il y a un hack meeting espagnol qui s'est fait un petit peu charrier par la police, comme d'habitude. Pour pas changer. C'était dans un. Donc c'était le hack meeting de Saragosse qui devait avoir lieu ces jours derniers. Et qui a priori a eu lieu, mais j'ai pas eu trop d'infos là-dessus. Donc en Espagne, tous les ans, ils organisent ce qu'ils appellent un hack meeting, donc un espèce de gros truc assez politisé, assez ouvert sur la culture et le milieu squat, alternatif, machin. Bref, un truc très très militant et en même temps très très très très, très technique. C'est un truc qui se passait sur 3 jours, et traditionnellement, tous les ans, ça se passe dans un centre social squatté. Et là, cette fois-ci, 3 jours avant l'événement, la police a expulsé le squat. L'organisation du hackmeeting a quand même décidé de se débrouiller pour héberger l'événement. Alors, j'ai pas trop d'infos sur qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau de l'expulsion, ni exactement est-ce que l'événement a pu avoir lieu correctement, etc. Parce que tout est en espagnol et je lis pas l'espagnol, désolé. Chose intéressante, c'est le blog Arduino.cc qui a publié l'info. Oui, l'Arduino, l'espèce de petit machin, enfin petit, c'est une façon de parler. Cette merveilleuse platine indispensable. Voilà, qui permet normalement de simplifier la vie aux grands débutants, mais qui en fait... pleine de création. Voilà, qui permet juste en fait de se rendre indispensable. Explique un petit peu c'est quoi Arduino et pourquoi tu l'aimes pas. Alors, l'Arduino... En fait, quand on fait du microcontrôleur, donc de l'électronique un peu intelligente, on achète donc des composants, donc le micro-P, donc il y a chez Microchip et autres fabricants. Et donc ça ressemble à un bête circuit intégré. Ces circuits intégrés, ce qu'ils ont comme avantage, c'est qu'ils contiennent tout. Ils contiennent l'horloge, le microprocesseur, la mémoire, en fait c'est quasiment, pour simplifier, un petit PC. Et donc, bah, ce gros avantage de tout contenir et d'être ultra simple à utiliser, puisque pour les faire démarrer, il faut juste trois petits composants de rien du tout à côté, et ben, chez Arduino, ils se sont dit, bah, tiens, on va faire un truc qui soit un peu plus gros, plus encombrant, sur lequel on va mettre des gros borniers, pour ceux qui, en fait, commencent l'électronique, mais qui ne savent pas souder, ne rien faire, alors que la base, déjà, quand on fait l'électronique, c'est de commencer par ça. Et on va mettre plein de composants autour, et on va dire, voilà, c'est un truc qui va vous simplifier la vie. Et tout ce que ça fait, bah, c'est juste de mettre des œillères aux débutants en électronique et de leur dire, bah, l'électronique pour débutants, c'est Arduino. Au lieu de juste de leur dire, bah, commencez un petit peu à souder, amusez-vous, faites-le fonctionner de vous-même, vous embêtez pas avec la plateforme. Moi, le problème que ça me pose, c'est qu'on entend toujours parler d'Arduino, mais en fait, on oublie totalement du coup que en fait, c'est juste un microcontrôleur de la marque Atmel, un AVR. Qu'on peut acheter séparément. Qu'on peut acheter séparément pour à peu près 10 fois moins cher. Et finalement, ben, ça prend les mérites de ce microcontrôleur sous le nom d'Arduino, mais en fait, ils ont juste fait un vieux front-end, alors que de l'habillage, en fait. Tout le mérite en reviendrait au constructeur du circuit intégré. Voilà. Et en plus, le truc vicieux, c'est que la plateforme Arduino, elle a des borniers qui sont tous alignés d'une certaine façon. Et du coup, une fois qu'ils sont alignés d'une certaine façon, on a des modules qui viennent se greffer dessus. Et ces modules, bah, c'est des modules pour Arduino. Donc ça force à utiliser ces modules-là ou à faire quelque chose qui n'est que compatible avec Arduino. Et je trouve pas que ça, c'est si libre que ça. Ouais, ça rappelle un peu le PC-104, pour ceux qui connaissent. C'est ça, encore un standard qu'on nous impose. Bon bah donc voilà, c'était la petite séquence troll de spécialistes. Pour rebondir un petit peu là-dessus sur la séquence troll, on y va. Un procès pour jailbreaking de Xbox 360. Alors, on rappelle ce que c'est que le jailbreaking. La Xbox 360, c'est un truc qui est développé par Microsoft dans le but de vendre. C'est une console de jeux vidéo, machin, pour qu'on puisse jouer aux jeux vidéo dans son salon. Et en fait, le concept, donc, c'est que c'est un truc de Microsoft qui est complètement fermé parce que Microsoft veut s'imposer comme monopole, machin. Donc, sur la console Microsoft, vous pouvez faire que les trucs qui sont autorisés par Microsoft. Vous pouvez pas bidouiller la machine. Et si vous voulez développer vos propres jeux pour cette plateforme Microsoft, Xbox 360, vous pouvez pas parce que Microsoft en fait interdit dans le logiciel interdit toute bidouille dans le logiciel qui équipe la Xbox. Alors, faut savoir qu'en 2003, il y a donc Andrew Wang, dont le pseudonyme est Bunny. Qui a publié un bouquin chez l'excellent éditeur No Starch Press en 2003. Le bouquin s'appelle Hacking the Xbox, où il explique un petit peu comment il a fait toutes ces petites bidouilles, rajouter des puces sur la console pour casser les protections qui lui permettent derrière de pouvoir développer des jeux, de pouvoir utiliser la Xbox de manière un peu différente de ce pour quoi elle est prévue, notamment s'en servir pour faire de l'informatique, puisqu'à l'intérieur c'est quand même un vrai ordinateur en fait. Ou même comme serveur multimédia par exemple. Voilà, comme serveur multimédia pour regarder des DivX. Ah non, c'est interdit de dire DivX à la radio maintenant. Oui. Non mais bref, pour regarder des DVD parce que c'est quand même une chose qui se branche sur la télé à la base et qui a une super qualité d'image, donc ce serait dommage de pas en profiter pour mettre les films dessus. Il n'y avait pas un centre de recherche qui s'est amusé à faire un cluster avec des PlayStation. C'était des PlayStation, voilà. On en avait parlé, voilà. C'est la même problématique que sur la PlayStation 3 et avec ce que fait GeoHots, on en avait déjà parlé plusieurs fois dans Random. C'est toujours la même problématique en fait. Le constructeur en fait met un logiciel. Précision, c'est pas un logiciel en fait qui bloque la console, c'est un chipset, c'est un composant électronique dedans qui s'appelle l'hyperviseur et qui intercepte en fait tout ce qui passe. Donc c'est pas vraiment un logiciel, puisqu'un logiciel suffirait juste de faire un flash de firmware et puis ce serait réglé. D'accord. Ouais, c'est plus vicieux que ça et c'est plus matériel. Autant pour moi. Et donc là en fait, il y a un jeune homme de 28 ans, Matthew Crippen, qui entre en procès le 30 novembre prochain. Pour avoir monté un business de jailbreaking de Xbox 360, jailbreaking en fait c'est le fait de faire casser, donc jailbreaking, cassage de prison, c'est ça, c'est briser les barreaux qui sont mis en place à ce niveau-là. Ok, bon, on a des petites news en fait comme ça. Au passage. Lui il avait monté un petit business, donc ce gamin, Matthew Crippen, 28 ans quoi. En fait, donc ils mettaient, ils puçaient en fait les Xbox 360 de manière en fait à pouvoir utiliser des jeux copiés, voire à développer des jeux soi-même, et puis en fait à tout bêtement débloquer l'accès à toutes les fonctionnalités de la console. Sauf que ils vendaient en fait ces modifications, donc ça c'est pas super cool étant donné que bon, voilà, c'est le genre de chose qui se fait gratuitement d'ami à ami. Voilà. Le problème c'est qu'en fait, il s'est fait successivement gauler par deux investigateurs mandatés par des majors de l'industrie du divertissement. S'il est condamné en fait pour les deux affaires, il encourt jusqu'à 3 ans de prison ferme, selon les termes du Digital Millennium Copyright Act, donc DMCA, qui criminalise en fait les stratégies mises en place pour contrer les DRM, parce qu'en fait ces protections en fait donc pour empêcher l'utilisation complète d'un matériel comme ce qu'on a dans l'iPhone, comme ce qu'on a dans les consoles de jeux, comme ce qu'on a dans les baladeurs MP3, Même les voitures. Même les bagnoles, oui, tout à fait, ouais, pour brider les moteurs, ou ce genre de choses. Voilà, il y a des fonctionnalités. Et ce qu'on a également sur les platines de lecture de CD, sur les lecteurs de DVD, ce genre de truc, pour empêcher en fait de lire des DVD copiés depuis un truc, ou pour empêcher carrément la copie d'un DVD, en fait. Donc, le DRM, c'est la solution logicielle matérielle, et la DMCA, c'est la version juridique qui vous tombe dessus si vous essayez de contrer les DRM. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, techniquement, vous pouvez pas, pour pouvoir lire un DVD par exemple, et ben il faut avoir le droit de, il faut, parce qu'en fait, DVD, c'est donc une technologie brevetée qui appartient à un consortium composé d'industriels du divertissement. Et pour avoir le droit de commercialiser ou même de simplement de développer un système de lecture des DVD, il vous faut clé. Il vous faut une clé. Il vous faut en fait l'autre, enfin une clé de déchiffrage, on va dire simplement. Ouais, en fait, techniquement, pour quand on développe un logiciel, il faut l'autorisation du consortium. Et l'autorisation, on l'obtient souvent en payant, en fait. Et c'est tout le problème en fait, par exemple, des logiciels libres qui vont vous permettre de lire des DVD. Si vous voulez lire des DVD, mais pas en utilisant un logiciel commercial tout buggé, tout planté, mais utiliser un vrai logiciel, donc un logiciel libre, un truc qui plante pas, qui est développé par des gens qui savent de quoi ils parlent, et qui est en plus en logiciel libre, et ben techniquement, les développeurs de ces logiciels, ils cassent forcément ces protections. Et donc tout l'enjeu en fait est de savoir est-ce qu'on criminalise les personnes qui développent des logiciels libres permettant de lire ces DVD hors du circuit commercial et des brevets, etc. Le Digital Millennium Copyright Act, c'est ça en fait, c'est la criminalisation systématique de Touchti qui casse des DRM. Et sauf que cette loi américaine en fait elle préconise un fair use. Fair use, ça voudrait dire usage cool, usage sympa, qui correspondrait en fait à une exception pour copie privée, hein, ou pour usage privé. C'est-à-dire qu'on a le droit de copier un DVD pour en avoir une sauvegarde à soi, et éventuellement derrière de la refiler dans un cercle familial, machin. Donc c'est pas très, c'est volontairement flou en fait pour pouvoir permettre d'ailleurs une interprétation par un juge. Cette interprétation par un juge, elle a permis par exemple des jugements comme celui dont on avait parlé dans l'émission Random numéro 20, qui rendait légal le jailbreaking de l'iPhone. Et donc en fait, ça ouvre la porte à d'autres jugements intéressants. Et donc notamment, par exemple, voilà, c'est au titre de ce jugement-là précision. Je précise pour l'iPhone, ne vous jetez pas tous dessus. C'est légal le jailbreaking, mais pour l'instant, c'est que aux US. C'est que aux États-Unis. Ouais. Et c'est sur une jurisprudence, machin. C'est encore une fois, c'est la juridiction américaine qui est très déjà sectorisée dans les 50 États, et puis enfin 50 États. Et puis, ça reflète vraiment l'état de la loi américaine, quoi. C'est pas pour autant que le jailbreaking de l'iPhone est légal où que ce soit ailleurs. Enfin voilà, ça reste un argument pour pas utiliser l'iPhone, quoi. Mais... Oui. Bah, oui. Il y a des gens qui se sont visés à l'antenne. Non, du tout. Du tout. Et donc voilà. Et donc en fait, donc Andrew Wang, hein, l'auteur du livre Hacking the Xbox, lui, il a accepté de témoigner en faveur du défendeur. Donc ça va être un jugement intéressant à suivre. sur le front de l'informatique déloyale, hein, pour reprendre les termes de l'April, l'informatique déloyale et les DRM et le contrôle de la technologie par une oligarchie de puissants technocrates qui ne veulent que le profit et le contrôle. On va passer sur notre petite section filtrage internet et neutralité des réseaux. Oui. C'est quelle piste ? Basse. Oui, en fait, on a un petit jingle et. C'est pas un peu arrache, hein ? C'est donc le jingle numéro 17. Et voilà, censure. Filtrage d'internet. Filtrage d'internet. Et neutralité des réseaux. Neutralité des réseaux. Et voilà. Donc, sans le jingle, on ne pouvait pas effectivement commencer à en parler. C'était important oui. d'avoir. Bah, tout à fait, oui. C'est surtout qu'ils ont été développés pour ça et qu'on n'a pas fait les précédents actualités du logiciel libre et du milieu hacker. Bref, en fait, donc, dans la censure, filtrage d'internet et neutralité des réseaux, on va parler de la LOPSI. Pour dire que voilà, non, on va pas parler de la LOPSI en fait, puisque il s'est pas passé grand chose et de toute façon on attend en fait. Donc la LOPSI, on rappelle, hein, la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Donc c'est la loi qui prévoit les grandes orientations pour la police et la gendarmerie sur la période 2009-2013. Et c'est une loi qui, entre autres, va institutionnaliser la censure. Va institutionnaliser la censure d'État, méthode chinoise, à base de listes noires de sites internet, donc voilà, et elle sera à l'agenda parlementaire a priori d'ici la fin de l'année. Sachant qu'elle a été déjà, qu'elle est déjà passée devant l'Assemblée nationale, au Sénat, et donc là il y aurait un deuxième petit coup à l'Assemblée nationale. Oui, je voulais donc en fait on va donc parler de NKM qui continue son petit délire sur le droit à l'oubli. On en avait déjà parlé plusieurs fois dans Random. Le droit à l'oubli, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est l'idée que vous publiez des conneries où il y a une sextape de vous qui se retrouve sur YouPorn ou je ne sais où. Et en fait, à l'heure actuelle, tous les employeurs du monde tapent votre nom dans Google pour essayer d'en savoir un peu plus sur vous quand voilà, ou même vous avez des collègues ou dans les écoles d'ingénieurs ou je ne sais où, dans n'importe quel cadre, ça peut arriver qu'on tape ton nom dans Google. Et puis on se rend compte que la personne a dit des conneries sur tel ou tel forum à la con il y a 10 ans et voilà, ça permet en fait de savoir un petit peu à qui on a affaire. Surtout, ça suppose que la personne va se dire ce que j'ai vu de ce gars que je veux embaucher il y a 10 ans, je suppose qu'il n'a pas changé. Donc forcément, je vais me faire mon opinion actuelle sur ce que j'ai vu il y a 10 ans. Voilà, et puis surtout, en fait, ça suppose aussi que la personne a écrit des conneries sur Internet. Ouais, Facebook, c'est un outil très, très adapté pour ce genre de... Oui, voilà, typiquement Facebook, typiquement MySpace, typiquement des tas de forums à la con qui sont indexés dans Google. Et en fait, ça, c'est donc faire une loi qui va donc casser encore une fois la liberté de circulation de l'information pour continuer en fait à ne surtout pas informer les gens des risques qu'ils prennent et des problématiques de vie privée sur Internet. Surtout, on va continuer à envoyer la police et la gendarmerie dans les écoles pour parler de pédophilie, pour parler de Facebook, pour parler des prédateurs sexuels sur Internet, pour parler du piratage et de la dopi. Et en même temps, en fait, on va faire une loi pour permettre en fait aux gens de faire retirer des contenus sur Internet. Donc ça, c'est le droit à l'oubli, c'est-à-dire que vous pouvez demander. Le projet, l'idée, en fait, elle est que les citoyens et citoyennes puissent demander à ce qu'on retire des informations les concernant qui sont sur Internet, plutôt que de taper en fait sur Facebook et tout ça pour qu'ils respectent les principes fondamentaux de vie privée, et plutôt que de faire de l'information au grand public, parce que voilà. Je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable, mais là actuellement Facebook, enfin les évolutions que j'en vois dessus, parce que oui je suis sur Facebook, c'est plutôt de rajouter des options justement pour pouvoir régler sa vie privée, ce qu'on montre, ce qu'on montre pas. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de faire l'information sur comment les utiliser. Non, en fait, ce que fait Facebook, c'est qu'effectivement, il permet de plus en plus de cibler les publics à qui, les publics qui vont avoir accès à ces données. N'empêche que Facebook a toujours donné, a toujours accès à tout. Sans parler que c'est arrivé déjà, oui. qu'ils fassent des bourdes et que du coup des trucs privés se retrouvent en public. Voilà, ça, voilà. Donc en fait, c'est mauvais outil. qui en plus se permet de tout stocker et qui prend toute la... Parce que du coup, à chaque fois que vous postez une connerie sur Facebook, ben Facebook prend la propriété intellectuelle de tout ce qui est posté dessus. C'est-à-dire que les photos que tu mets ou les textes que tu peux balancer ou n'importe quoi. Ça a été écrit, ça, c'est vu clair et net quelque part sur Facebook comme quoi. Ah oui, oui, Facebook prend la propriété intellectuelle de tout ce qui passe sur Facebook. C'est le concept même de Facebook. Facebook se sert du contenu que les utilisateurs envoient. Je suis d'accord, mais est-ce que tu as vu quelque part qu'ils disent voilà, on en fait ce qu'on veut maintenant? Bah oui, bien sûr. D'accord. Il y a des campagnes de pub qui ont déjà eu lieu comme ça, avec des photos, des gens mettent des photos dans Facebook, Facebook les revend et ça sert de campagne de pub. D'accord. Ok. Notamment sur des modèles, des filles qui faisaient du mannequinat et qui se retrouvent avec leur tête sur des panneaux publicitaires alors que, ben voilà, elles touchent rien là-dessus parce qu'en fait, Facebook fait ce qu'il veut avec les photos. Ouais. C'est le concept même en fait. Il n'y a pas une initiative en fait pour faire une espèce de Facebook décentralisé et libre? C'est ce qui s'appelle, enfin, Facebook décentralisé et libre, si j'avais entendu un truc. Si, Diaspora, il me semble. C'est ça, exactement. Où en fait, chacun hoste le contenu sur sa propre connexion. Ouais. Du coup, ça en motiverait certains à avoir justement du contenu chez soi et puis ne pas le laisser centraliser façon Minitel 2.0. Et puis en fait aussi, ça permettrait de gérer au cas par cas quelle diffusion, enfin quelle information je diffuse, dans quel cadre et avec sous quelle licence, donc avec quelle permission de rediffusion de l'info. Donc voilà. Alors. Dernière chose en fait sur la censure, tout ce qui se passe sur internet, on va parler quand même de Wikileaks. Donc Wikileaks a encore balancé des documents secrets à charge contre l'armée US, cette fois-ci sur la guerre en Irak. Alors il y a les documents en eux-mêmes, on trouvera pas mal de commentaires là-dessus dans la presse, dans les blogs, parce qu'effectivement c'est le genre de choses qui posent un avis. Ce qui est intéressant en fait là-dessus, et c'est, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit, la fois dernière quand il y a eu les documents sur l'Afghanistan, etc. C'est que Wikileaks fait un boulot de réappropriation et de liberté de circulation de l'information. C'est-à-dire elle prend de l'information, elle les balance. C'est ce que les journalistes devraient faire et qu'ils font pas, premièrement. Et deuxièmement, c'est le symbole en fait du passage à l'ère de l'information. C'est-à-dire que maintenant, où que ce soit, qui que ce soit qui veut cacher des informations, se trouve confronté à Wikileaks. Alors qui cache des informations? Qui cache des informations? L'État et le capital. L'État cache des informations aux citoyens, soi-disant pour notre bien. Le capital cache des informations parce que derrière, en fait, bien entendu, toute entreprise capitaliste n'a qu'un seul but, qui est le profit, signifie de pouvoir se mettre à l'abri par des brevets, par des choses comme ça, etc. Et là-dessus, il y a une petite version qui s'appelle la business intelligence, qui consiste justement à essayer d'espionner les autres, savoir ce qu'ils font, être plus intelligent qu'eux et récupérer leurs informations. Donc c'est le business intelligence, donc intelligence économique en français, c'est l'ancien mot, enfin c'est le nouveau mot pour espionnage industriel, pour être clair là-dessus. La 25, ce sera bien. Et donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'ère de l'information, le passage de la société purement capitaliste à la société de l'information, je me fais traiter de marxiste par SMS, c'est cool. Moi, je suis marxiste, c'est nouveau. Ça veut dire quoi en fait? Le passage de la société capitaliste à la société de l'information impose en fait une mutation profonde qui remet en question la place de l'individu par rapport à l'État. Autrement dit, les modèles démocratiques qui ont émergé au fil des siècles ne peuvent plus tenir. Ce qui veut dire aussi que quiconque défend les droits de liberté de circulation de l'information, de protection de la vie privée, alors il y a le terme adéquat en ce moment, c'est liberté numérique, etc., se met forcément en lutte contre l'État et le capital, au moins dans cette optique-là. Ça ne veut pas dire que c'est des gros révolutionnaires à sauver de sang, ça veut juste dire qu'il y a une réflexion, une remise en cause profonde qui est nécessaire et qui est là. Autrement dit, la lutte institutionnelle, elle peut être intéressante pour obtenir des résultats à court terme, je n'en disconviens pas, n'empêche que elle y va quand même elle prend le problème par le petit bout de la lorgnette, et ce serait peut-être intéressant d'introduire un niveau de radicalité et de généralisation un peu plus avancé. Je vais juste musique un petit peu, parce que ça fait quand même une demi-heure qu'on parle, que je parle, que tu parles. Donc vous êtes bien sur Radio Campus, 106,6 FM wide, 75 kHz d'excursion. Vous êtes bien sur Random, l'émission aléatoire. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez de Radio Campus ? Je vais te dire un truc, moi aussi j'ai flirté avec le pacifisme à un moment donné. Oh, pas au Vietnam bien sûr. Tu veux me dire ce que le Vietnam vient foutre là-dedans ? Pardonne-moi. Mais où est le rapport, nom de Dieu ? Radio Campus 106,6, à l'image de ses auditeurs. Sad robot, you're a sad robot, you're so alone. Random, l'émission des hackers qui sortent de leurs bunkers. De retour dans les studios de Radio Campus, vous êtes toujours donc à l'écoute de l'émission Random numéro 26. Eh bien, nous allons parler vite fait de la loi Hadopi. En fait, là, ce qu'il faut savoir, enfin, juste en deux mots, hein, sur les news de la Hadopi, il faut savoir que le ministère de la Culture a notifié à Bruxelles le projet de décret organisant les moyens de sécurisation qui permettront de prévenir les usages illicites sur les ordinateurs des abonnés Internet. Autrement dit, il y a une volonté claire et nette de l'État français, enfin, du gouvernement français, notamment du ministère de la Culture, de faire passer une loi Hadopi au niveau européen. Donc, ben voilà. Une injustice non seulement à la France, l'erreur culturelle française voudrait s'exporter à tous les citoyens et citoyennes européennes, c'est n'importe quoi. Et ben voilà, voilà un peu exactement ce que veut faire le gouvernement à l'heure actuelle. Et puis du côté oui, alors petite news assez rigolote en fait du côté de Numérama qui publie un truc assez rigolo. Enfin, il n'y a pas que Numérama d'ailleurs, c'est l'histoire de Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, donc on rappelle, en fait, dans l'équipement, dans l'arsenal en fait de la loi Hadopi, qu'est-ce que c'est ? C'est un certain nombre de sociétés, donc de police privée, mandatées par les majors et accréditées par la CNIL. Qui vont donc surveiller les réseaux de partage de fichiers en pair à pair, donc notamment, enfin surtout Emule et BitTorrent en fait. Donc faut plus utiliser ces trucs là. Pour être clair, faut utiliser tout le reste, mais pas ces trucs là. Et donc Thierry Lhermitte. Vos pieds. Allez voir les potes et surtout utilisez vos pieds. Ouais voilà, ouais. Allez voir vos copains et utilisez vos pieds. Ou bien trouvez-vous un boulot et allez au cinéma. Ça marche aussi. Accessoirement, ouais. Ouais, trouvez-vous un boulot payé très cher. Par exemple, je sais pas moi, directeur général, enfin le secrétaire général de la Hadopi, il touche 180 000 euros par an. Oh, ça va. Ça fait 15 000 euros par mois quand même. Pour quelqu'un qui bosse pour l'État, c'est un fonctionnaire quand même. Tu vois, c'est pas. Ah oui, c'est du fonctionnariat très. Dans des locaux de 500 mètres carrés où ils sont 16 ans, non ? Oui, voilà, c'est ça un peu, ouais. Ouais, c'est un peu l'ambiance. Alors donc en fait voilà. Et alors donc l'une des sociétés, enfin la principale société qui a été choisie qui a été mandatée par les majors de l'industrie du divertissement pour espionner les réseaux de téléchargement et de partage de fichiers, c'est Trident MediaGuard, une société basée à Nantes. Et on a donc Thierry Lhermitte, donc les bronzés font du ski, machin, tout ça, donc tout un tas de films vachement franchouillards qui respirent bien la bonne France, bien de chez nous. Le type que les gens aiment normalement. Ouais, voilà. Que voilà. Les gens aimaient. Donc qui s'était en fait à plusieurs reprises prononcé en faveur de la loi Hadopi, parce que vous comprenez quand même, ma bonne dame, il faut sauver la culture, hein, vous savez, voilà, hein, bon. Hein, la culture que le gouvernement a cassée en cassant le statut des intermittents du spectacle il y a quelques années, il faut bien la sauver maintenant. Et comment on va la sauver ? Bah, par la loi Hadopi, bien entendu. Hein, et bien donc Thierry Lhermitte avait donc pris énormément, je crois qu'il avait investi un demi-milliard d'euros dans je sais plus, 50 000 ou 500 000 euros, enfin une grosse thune quoi, dans Trident MediaGuard jusqu'à en devenir l'actionnaire majoritaire. Et donc voilà, donc en fait Thierry Lhermitte avait clairement mis du pognon, avait investi et parié en fait sur le fait que la Hadopi allait fonctionner et que Trident MediaGuard allait se faire plein de pognon. Comme ça, voilà, pour être clair, hein, qui profite la culture en France à l'heure actuelle. Et le problème c'est qu'il en a pris plein la gueule, à fort juste titre, il en a pris plein la gueule pendant tout ce temps-là à cause de cette campagne. Hein, vraiment tout le monde s'est dit, mais il délire complètement Thierry Lhermitte. Et donc il a fait une petite série d'interviews pour dire voilà, mais vous comprenez, internet, machin, moi j'y comprends pas grand chose. Et il a notamment déclaré un truc assez rigolo, c'est voilà, l'autre jour je regarde sur. J'entends parler d'un film, voilà, je regarde dans un moteur de recherche. Pour avoir des infos sur ce film, et je tombe sur un lien vers un site, Mega Upload, machin, qui me propose de télécharger le film. Alors oui, j'ai téléchargé le film, et j'ai aucune idée de savoir si c'était légal ou pas. Donc, bah, pour répondre, non, c'était parfaitement illégal, hein, il le sait très bien. Oui, parce que c'est quand même le type qui faisait de la pub pour l'internet à l'époque, et puis qui se gênait pas pour en parler, justement, en disant, moi je connais bien internet, je l'utilise, enfin c'était Thierry Lhermitte, le power user, en fait. Ah oui, carrément, tout à fait, il faisait des... Excellente cette musique. le partage tue. La culture se paye. Mais donc ça c'est un petit jingle. Ça c'est un petit jingle que seuls les riches bourgeois qui ont l'argent pour se payer les vrais DVD peuvent entendre. Excellent, merci pour cette petite musique. Ça m'a fait plaisir. Ouais, je t'en prie. Et donc en fait, ben voilà, Thierry l'Ermite, voilà, donc non, c'est pas légal de télécharger sur Mega Upload, mais en plus t'as aucun risque de. Tu t'es pas fait gagner d'argent sur ce coup-là. Parce que Trident Media Guard n'a aucun moyen de surveiller Mega Upload ou autre. Non, et donc, parce que voilà. Ça c'est l'État qui s'en charge, puisque rappelons que l'État fait avec ses infrastructures du MD5, donc en fait on fait une clé sur chacun des fichiers que les Français téléchargent. Donc c'est pas Trident Media Guard qui va gérer ça, c'est simplement l'ALOPSI logiquement. Bon, l'ALOPSI, bon. Dernière petite news assez rigolote, donc dans notre rubrique N'ayez pas peur, faites-nous confiance, et on a un super jingle pour ça. On le dire à l'avance. Ouais, non, bon, bah laisse tomber, ouais. C'est pas grave. Donc en fait, juste de toute façon, il y a qu'une news à dire dedans. C'est donc Canon, donc un fabricant d'imprimantes, de photocopieurs et de matériel bureautique de ce type, publie en fait, enfin là, vient d'introniser en grande pompe sa nouvelle technologie qui s'appelle Uniflow. Qui en fait sert donc à espionner les contenus qui vont être photocopiés sur les trucs. Alors comment ça marche? On arrive sur un photocopieur Uniflow. Oui, nous arrivons sur un Uniflow. Nous arrivons sur un photocopieur Uniflow, nous voulons photocopier un document, on veut simplement le numériser, on met le document dans le photocopieur, on appuie sur le bouton de photocopie, et là en fait, qu'est-ce qui se passe? Le photocopieur va reconnaître le contenu en fait de la page, le contenu du document, va l'analyser mot par mot pour vérifier s'il n'y a pas des mots appartenant à une liste noire, et si c'est le cas, bah, il va refuser d'imprimer le document, et il va envoyer une notification au patron et à l'administrateur de l'imprimante. Alors, c'est génial. Là-dessus, j'aurais quand même plusieurs questions. C'est la liste noire, qui est-ce qui l'a définie? L'administrateur et le patron. L'administrateur, d'accord, donc c'est à titre privé. Qu'est-ce qui se passe si c'est la secrétaire qui vient se photocopier les fesses? Est-ce que c'est quand même envoyé? Ça, c'est une grande question. Ça peut voilà. être... Envoyé au patron, ça peut être aussi comme le type qui a gagné au loto en fait. Non, en fait, avant de partir, ça marche parce que on se photocopie les fesses et ça part sur le patron. Ouais. Petit message, genre je vous quitte. Voilà, ça c'est clair. Oui, bon, c'est un petit peu sexy ce que tu dis, mais bon. Bref, donc voilà. Sur ce, on va repasser un petit peu de musique rapidement. Donc passe-nous la 28. Ouais, la 28, elle va être bien. C'est parti. On vous retrouve tout de suite après, à l'écoute de Radio Campus, et vous aurez l'interview exclusive de l'organisation du Plastic Hackerspace Festival, donc restez à l'antenne de Radio Campus, saucisse pois chiche FM. A tout de suite. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus, 106,6 MHz. Dans l'émission Random. Et nous on est donc en direct avec les personnes de l'organisation du Plastic Hackerspace Festival 2010 qui aura lieu la semaine prochaine, le week-end prochain, au Temp Lab à Vitry-sur-Seine. Allô, allô, est-ce que vous nous entendez ? Oui, on est là. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Okay. Oui. Alors, nous sommes l'Orga. Alors, l'Orga, l'organisateur numéro 1, dans l'ordre, pas dans l'ordre d'importance, Ladislas, membre du TFP Lab. Ursula, et on attend Vanessa. Ok. Voilà. Première question déjà, le Temp Lab, Kezako, et le PHSF, Kezako. Alors, le Temp Lab, c'est un hackerspace qui existe depuis 3 ans déjà, qui se trouve dans la zone industrielle des Ardoines à Vitry-sur-Seine. Et c'est Philippe Langlois, Nico, Tad et d'autres potes qui se sont retrouvés au CCC il y a 3 ans et qui se sont dit il faudrait qu'on fasse vraiment Hackerspace en France. Voilà. Nous on est arrivé un petit peu après et puis on s'est dit c'est un peu chez nous, ça coule et voilà. Et un petit peu d'informations de background sur le plastique, enfin déjà sur le Hackerspace Festival de base et également sur le PHSF de cette année. Alors je commence avec le HSF et tu. Ouais. Alors le HSF en fait ça a commencé vraiment super technique, on va dire, les premiers qui ont monté le Temp Lab était un peu sécu, informatique, réseau, sysadmin et tout ça, donc c'était un peu centré, donc hack, nerd et voilà quoi. Mais par contre, ça s'est pas mal, ça a un peu dérapé au niveau artistique, on va dire. Il y a eu des performances sur le premier déjà. Oui, en 2008, je me souviens, j'étais... Sonore et de l'art plastique et tout. Et là, le PHSF, c'est vraiment, on porte l'importance sur sortir du hack informatique spécifiquement. Voilà, donc je te laisse. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, toi ? Justement, cette année, c'est un peu plus centré sur le projet Usinette et qu'on va parler un petit peu plus de réalisation plastique et de faire sortir justement des choses de la matrice de l'ordinateur pour fabriquer des objets tous ensemble et réaliser. On a utilisé ce titre « Réaliser vos fantasmes, réaliser vos désirs ». Et pour en tout cas passer de l'ordinateur à la matière. Et pour une fois, on essaie de faire une fusion aussi justement avec... l'idée, c'est de faire une fusion avec des présentations aussi qui peuvent être techniques, très techniques. Et aussi des workshops, des performances et des propositions plus artistiques. Et que les deux, parce que ça nous paraît normal qu'elles se mêlent et qu'elles cohabitent naturellement. Et puis les concerts aussi. Des concerts et puis on fait la fête. Hein. Ouais, alors justement, là-dessus, avant d'aborder le programme et le contenu de l'événement, tu disais deux choses. Premièrement, tu disais une diversification un petit peu des choses une diversification vers les choses un peu de la matière. Dans l'appel à contribution qui était paru cet été, enfin à la fin de l'été, il y avait un accent qui était extrêmement fort sur des choses un petit peu proches des mouvements féministes. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus là-dessus ? Parce que, justement, on dit tout le temps que le milieu hacker, il traîne un petit peu cette sale réputation de mouvement extrêmement masculin, voire machiste, etc., avec tous les présupposés sexistes et homophobes qu'il y a dans ce type de supposition. Et toi, tu arrives avec un truc... où le flyer c'est une femme dans une position de soumission très suggestive avec un drapeau pirate dessus. Non, alors elle n'est pas dans une position de soumission très suggestive, c'est du bondage. Vas-y, explique. Et en général la personne qui participe est consentante et en tout cas c'est le cas là et effectivement mais c'était un petit peu pour ouvrir et je pense que tout ce qui est les questions de genre sont jamais très très loin des hackerspaces, en tout cas même dans d'autres hackerspaces, peut-être un petit peu en dehors de France aussi. Et voilà, donc on s'y retrouve naturellement. Et mais Vanessa aurait pu vous en parler parce que c'était aussi un petit peu son initiative de ramener comme ça la question du genre et d'en retraiter un petit peu aujourd'hui parce que nous on a eu tendance à l'évincer. C'est vrai que même si ça vient d'un philosophe français, c'est passé par les États-Unis et ça malgré tout ça remet du temps à revenir jusqu'à nous. Et voilà, en tout cas on voulait l'aborder mais de façon aussi très très ludique. Et c'était une façon de parler du genre, c'était aussi un petit peu pour parler d'émancipation. Et moi j'aime bien aussi l'idée du troisième type, c'est vrai que c'est vraiment une sorte de question de trans, c'est vrai qu'on va pas reposer encore les mêmes éternelles questions, mais c'est vraiment de dire voilà, quels sont nos fantasmes, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser, est-ce qu'on est capable, où on en est maintenant aujourd'hui dans ces réalisations, qu'est-ce qu'on peut faire de pratique, de technique ensemble, voilà. Et donc c'était un petit peu aussi pour stimuler des gens à venir nous voir et à lancer des projets et à commencer à travailler avec eux, voilà. Impeccable. Alors justement, voilà, sur la diversification des publics, donc on vise un public un peu plus féminin. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Moi, je pense que c'est pas... Voilà, D'accord, c'est cisé, justement, voilà, de... Parce que, justement, quand on s'adresse finalement aux femmes, en tout cas, moi, je me sens jamais concernée, bizarrement, ouais. Donc je trouve que ça tombe toujours à plat et ça... Je sais pas. Enfin, en tout cas, je pense que c'est pas... Non, il n'y a pas cette ambition-là. C'est vraiment de parler à tout le monde et surtout que tout le monde vienne nous parler. Enfin, c'est ouais. aussi... Voilà. D'accord, c'est juste cette ambition-là, en fait. Oui. D'accord. Bienvenue aux aliens. Voilà, c'est surtout ça. Bienvenue aux aliens, excellent. Et il y en a des fantasmes avec des aliens, justement. Ouais, alors justement, bah, sur l'atelier Sex Toys DIY, dont on avait parlé dans Random il y a quelques semaines. Ouais. C'est un petit peu, justement, c'est le... Est-ce que c'est à considérer... C'est à la suite de ces ateliers-là que vous avez... En disant que voilà, ça va jusque-là, c'est avec le hack qui se faisait dans l'ordinateur va jusqu'à en produire des objets et donc en faire des usages. Des objets de plaisir. Voilà. Et donc après, c'est comme j'ai dit précédemment, c'est beaucoup plus large que ça. Mais effectivement, on va le faire pratiquement et il y a un workshop. Do it yourself sex toys de prévu, il n'y a pas de souci, ça aura bien lieu. Alors justement, c'est quel jour et puis présente-nous un petit peu le programme du. Oui, alors on commence vendredi par une soirée, ça sera notre soirée d'inauguration, donc avec l'ouverture par Lady Slice qui nous fera un petit peu justement le topo du rapport entre hacking et le plastique. Et sinon, donc, il y aura des performances aussi, des extraits de films. C'est vrai qu'on est dans un modèle Kiné Club qui mélange un petit peu les références au hacking et les films qu'elle peut trouver donc, sur ce sujet. Et puis aussi, donc le Kiné Club, en fait, pour rappeler, c'est un truc qui est organisé au Templab une fois de temps en temps ou avec des personnes du Templab, des projections de films un peu alternatives qui ont lieu au Templab. Exactement, donc on a repris ça pour le vendredi soir. Le samedi, ben, on commence, ça y est, donc attention, conférence à partir de 13h, qui va parler de design, qui va parler de sécurité informatique, qui va parler de supermarché, enfin voilà, et puis donc on passe ensuite l'après-midi, on l'a plus tôt, donc c'est plutôt les workshops. Et tu veux parler des workshops ? Ouais, les workshops, donc bah, y aura déjà donc, l'atelier Do It Yourself Sextoy et Dildo, spécifiquement bah, avec les nouveaux outils que sont la RepRap et puis du prototypage rapide, tout ça. Et donc, y a aussi un collègue qui va apporter sa contribution pour faire un atelier design libre des costumes communicants avec Expérience Electricae. Un atelier piste debout. Oui, voilà, c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est Little Charlie, co-animateur de l'émission Random, qui va s'en occuper. Qui avait pas mal contribué à la, qui avait participé à l'atelier précédent dont tu parlais. Et voilà, donc chaque stand entre guillemets seront un peu juste à côté. Donc voilà, il y aura un chouette mélange des gens dans les workshops de 14 à 20 heures en général, dans les deux jours samedi dimanche. Voilà, et à partir de 20h, donc, c'est concert-performance. Donc là, pareil, on a des choses un petit peu dans différentes... J'en parle beaucoup de bending, hein. Ouais. Et du breakcore, on a de l'IDM, on a des performances plus acoustiques. Voilà, on a des choses très, très différentes. D'accord. Alors... Je voudrais dire qu'on ratisse large. Ouais, voilà, c'est ça. Justement... Justement, voilà, c'est ça, c'est que ouais. ça sort clairement du sur les premiers Hackerspace, les premiers Hackerspace Fest, ça a été vraiment très hacker, au sens barbu et cheveux longs du terme. Là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus diversifié, quelque chose de plus mature, on a l'impression. Oui, en tout cas, moi j'aime bien vraiment ce rapport des deux, quoi, de vraiment avoir les deux, que ça puisse vraiment... avoir une conférence de sécurité voilà très très très abscons pour certains mais et puis un concert derrière et nous on peut se permettre ce genre de mélange que peuvent pas faire les institutions parce qu'ils osent pas et voilà donc on a toute la liberté du monde et on voilà faire ce genre de festival. D'accord. Alors juste pour conclure l'interview parce qu'il nous reste 2 minutes d'antenne et que j'ai encore un agenda à faire. Le Plastic Hackerspace Festival du vendredi 29 au dimanche 31 octobre 2010. C'est au Temple Lab, donc dans la zone industrielle des Ardoines à Vitry-sur-Seine. Donc c'est le RER, les Ardoines, c'est quelle ligne de RER ? RERC, les Ardoines ou Choisis le Roi. Ou Choisis le Roi. Et alors, tarif d'entrée, etc., réservation, machin. Oui, alors on a un prix d'entrée, en fait, qui est de 5 euros. C'est 10 euros pour la journée, 5 euros pour les concerts, et 15 euros pour les 2 jours. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire ? Qu'il y a des lightning talks aussi. Donc, des gens qui veulent, par exemple, nous soumettre un sujet, même de dernière minute, c'est possible. On a laissé un espace pour un espace de parole et voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. On espère vous revoir à l'antenne de Random la prochaine fois pour un petit débriefing post événement. Oui, ça marche. Carrément. D'accord. Eh bien écoutez, donc à dans 2 semaines pour Random 27. Bon courage à vous et puis merci pour ce que vous faites. Ouais, eh ben, merci beaucoup. Allez, salut. Bonne soirée, au revoir. Ouais, salut. Hop, c'était donc une interview téléphonique réalisée en direct dans l'émission la plus aléatoire de Radio Campus. Juste rapidement l'agenda, parce qu'on a Choupapimento qui va venir nous taper avec des grandes banderoles de la CGT et du LOSC. Ah non, quelle horreur. Et j'ai pas vu ça, c'est une hérésie. Donc l'agenda rapidement, du vendredi 29 au dimanche 31 octobre 2010, pour ceux qui n'ont pas compris, pour celles et ceux qui n'ont pas compris, ce sera le Plastic Hackerspace Festival 2010 au Temple Lab à Vitry-sur-Seine. Dimanche 31 octobre, ce sera l'Écho des Gnous numéro 3 sur Radio Campus, donc la nouvelle émission du groupe d'utilisateurs de logiciels libres de la métropole lilloise Ch'tinux. Toutes les infos sur www.ch'tinux.org. Vendredi 5 novembre 2010, donc vendredi le 5 de novembre, souviens-toi de ce 5 de novembre, de sa conspiration et de ses poudres. Oh oui, souviens-t'en, à l'oubli, je ne puis me résoudre. Ce sera donc le meeting de 2600 Lille du mois de novembre. Toutes les infos sur www.2600lille.org. Dimanche 7 novembre, donc le lendemain, ce sera Random 27. Vous avez entendu qu'il y aura donc une interview, une nouvelle interview de l'orga du PHSF. Et puis du jeudi 11 au dimanche 14 novembre 2010, il y aura le Wireless Battle Mesh version 3.3 à Godarville en Belgique. Toutes les infos sur http://battlemesh.org. Et bien, c'est déjà l'heure de la fin de cette 26e émission de Random. On est arrivé au bout. On vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir et on vous laisse avec votre émission électro préférée, Choupapimento, qui est en train de mettre son disque. Et il faut donc que je meuble encore quelques secondes. Non mais on a des jingles pour ça. On a des jingles pour ça. Bonjour les gars, je m'appelle Matt Martigan. Random. Pour arrêter, c'est trop risqué. C'est pas vrai. Et alors? C'est fini, je raccroche. Non, fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Pas bonne du tout. C'est pas lui qui décide. Aucune importance. Est-ce que tu défies mon autorité? Oui. Le NKM, c'est la deuxième fois qu'elle craque son slip, là, quand même. C'est pas possible. On a de la chance. Non. Radio Campus Lille. Le coin est dangereux. Aucune importance. Arrêtez-vous! Qu'est-ce qui se passe? il a un gland dans la main. Tu dis ça à chaque fois. Tu vois ce gland? Un dimanche sur deux de 19h à 20h sur Radio Campus 106,6 MHz.